Elle est comme la Bourse de Paris, on l'entend le matin et on l'entend le soir, c'est Charline Vanhoenacker. Et surtout, je fais des rebonds, comme le CAC 40, des fois je suis en repli. Ah bon? Et oui, ça m'arrive, ça dépend, tout dépend de l'action Pernod Ricard. D'accord. C'est ça qui fait chez moi la pluie et le beau temps. Ok, c'est voilà. Noté. Bon, bah écoutez, à vous. Oh, c'est du soleil en bouteille. Hein. Vous savez bien. Eh oui, allez. Oh là là, dites donc, Laetitia Gaillet, vous me faites rire. Allez, je vous embrasse. Merci pour ces informations. On vous retrouve demain. Oh bah oui. N'oubliez pas de vous reposer d'ici là, parce que. Ouais, vous êtes fatigué, ouais. Non, moi ça va. Nous, on a une patate, écoutez ça. Vous voulez écouter un petit peu l'aperçu de ce qui s'est passé ce matin? Ouais, mais j'écoute. Attention, c'est parti. Salut à tous. Salut Charline. Oh bah Juliette, t'arrives avant Vizorek maintenant, bah voilà. Eh bah oui, j'ai fait Vizorek aujourd'hui, vu qu'il a jugé plus important d'aller bouffer de la raclette en Savoie. Attends, la raclette c'est un super sujet. Non, j'ai lu dans le dernier Raclette Magazine. Non, parce qu'aujourd'hui Vizorek est pas là, donc on va en profiter pour faire du contenu. Je veux voir aucune tête dépasser. Ah bah alors là c'est parfait, parce que moi j'ai un sujet qui a fond de contenu et hyper accord avec l'invité en plus. Voilà, quelqu'un pour aller dans mon sens, merci. Alors on écoute Juliette, vas-y. Alors c'est un truc mystique en fait. L'invité. Ouais. C'est Jean-François Alain. Ouais. Et moi, je m'appelle Juliette Arnaud. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez? Non, on n'a rien là. Rien du tout là. Eh ben, Juliette Arnaud et Jean-François Alain. Non, on peut pas plutôt faire un duplex avec Alex. Il est où le contenu là? Eh ben, les prénoms. Les gens qui ont des prénoms à la place des noms. C'est quand même une coïncidence de fou. Oh là là. Juliette, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot contenu? Ouais, et quelqu'un peut dire à Juliette que Alain, c'est pas Alain. Mais n'importe quoi, elle. Vas-y, Alain, c'est pas Alain. Ouais, Juliette Arnaud, c'est pas Alex Viseur. Jean-François Alain, ça s'écrit pas comme Alain, le prénom. Voilà, ça fait que ton sujet n'existe pas. Ah, ça fait qu'on a toujours pas de fond. Et ça fait que Charline est aussi rouge que quand Sergi Lopez était l'invité. Voilà, énerve-vous ce breakdown, il vous faut un sous-titre ou bien je vous le chante. Ah, bah Alex, il avait été là, lui. Il l'aurait chanté. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui saute à pieds joints sur l'actualité. Et voici les trois informations qui seront excommuniées avant 18h. Les deux n'ayant absolument pas de rapport, c'est normal. François Hollande s'apprête à recevoir le président iranien Hassan Rouhani la semaine prochaine. Le protocole est un peu compliqué à organiser en raison de bouteilles de vin à table et d'heures de prière. On ne m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous enlacer. Vous ne prédit pas un grand avenir. Le service de protection des personnalités est débordé. L'élite de la France a peur. Un policier surmené ne peut pas assurer correctement votre protection. Heureusement, il reste une solution. Always, pour vous sentir vraiment protégé. Deux grands patrons partent à la conquête des salles de spectacle. Demain, des artistes appartiendront à Vivendi, comme Vincent Bolloré qui entend révolutionner le spectacle. L'argent, c'est pas dur à gagner, il suffit de se servir. Alors, des fois, histoire d'être honnête, je joue à la bonne paye. Et je suis accompagnée d'une bande de dealers d'information et de culture. Bonjour André Manoukian. Mais bonjour Charline. On parle de quoi vers 17h30 et jusqu'à 23h? On va parler de... On va parler du raga, on va parler du ragtime, on va parler des ragamuffins. Merci. On va parler d'une chanteuse formidable qui s'appelle Soumte, qui est d'origine indienne et qui est née à Glasgow et qui a un épouvantable accent écossais, mais un flow qui va nous envahir. Il y aura des chamans? Ouais. Ah ben oui. Je sens que notre invité suit l'émission. Et des Yoruba. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Charline. Quel sera le contenu du moment Meurice vers 17h38? C'est ça, moi je me suis intéressé aujourd'hui au nombre de morts sur les routes. On va rigoler. Il a encore augmenté ces derniers mois. J'ai donc interrogé des automobilistes. Je ne suis pas un mauvais conducteur, en revanche, je pense que je suis un très mauvais automobiliste. Voilà, c'est de la subtilité d'automobiliste, hein. C'est assez complexe. Eh, bonjour Clara Dupont-Mono. Salut Charline. On parle de quoi vers 17h45? Vous ne draguez pas comme Vizorek. Hein? Vous ne me draguez pas. Ça, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre après que je vais présenter. Oh, mais vous, ce serait quoi? Alors que la guerre se poursuit en Syrie, et ben focus sur un livre qui nous explique le quotidien des Syriens. Merci. Et puis Juliette Arnaud est là. Oui, si c'est que de moi, je ne ferai que draguer Clara Dupont-Mono. Ouais. Et faire peut-être un journal avec Guillaume Meurice. Du sketch, voilà. Et du sketch et de l'information. Si tu écoutes J'annule tout et présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Ouais, c'est horrible. Général. C'est horrible d'en penser. Vous devenez auteur des Guignols en 90. C'est l'année de la libération de Nelson Mandela. Ah, je me souviens des Guignols, c'était une émission avant. C'était vachement bien. Vous écrivez le scénario d'OSS 117 en 2006, quand Sa Majesté Elisabeth II fête ses 80 ans. Vous créez votre première série télé au service de la France cette année, quand Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques. Et vous êtes... Jean-François Alain. Ah, mais voilà. C'est Jean-François Alain. C'est lui-même. Allez, Jean-François Alain. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Co-scénariste et créateur donc de Au service de la France, qui connaît beaucoup de succès, il y a un bouche à oreille phénoménal. Là, ce soir, tout le monde dit que c'est formidable. D'accord. Alors, on va arrêter de le dire, parce que tout le monde l'a dit déjà. Il y a juste ma grand-mère qui n'a pas aimé, mais son avis, on s'en fout. Les quatre derniers épisodes, c'est ce soir à 20h50. Profitez-en pour essayer de rattraper les 5, 6 et 8 sur arte.tv. Vous savez, Arte plus 7 qu'on vous conseille au service de la France. Alors, une comédie d'espionnage ou un stagiaire au service secret et plongé dans un monde raciste et misogyne, on peut dire, des années 60, France. La France du général. France du général, c'est horrible de savoir que je suis né sous la France du général. Bah, oui, c'est ce que vous avez. En fait, c'est l'époque que vous avez connue durant votre enfance. D'un seul coup, je suis pas le doyen, peut-être pas. Non, moi je suis le doyen. Ouais. Vous aussi sous le général, vous non, aussi. Non, ouais. Maréchal Pétain. Oui. D'un seul coup, on a des images en noir et blanc. Voilà. Mais justement, oui. Alors c'est vous disiez une France. Alors il y a à la fois les services secrets avec ce côté quand même classique. Il y a un côté classieux. Déjà, la série est classieuse elle-même. La série est très belle, oui. Le réalisateur Alexandre Courtès a mis une direction artistique vraiment magnifique. On a une image très belle. C'est diffusé sur quelle chaîne? Arte. C'est de la télévision, André. Voilà. Ce soir à 20h50. Et alors là, est-ce que vous jouez de ce contraste justement du monde du renseignement qui a trait aussi à la diplomatie, aux relations internationales, le côté classieux et le côté France et aussi le côté fonctionnariat caché en trois exemplaires avec certificat de bonne vie et mœurs. L'idée, ce serait un petit peu, là, comme le nouveau James Bond est sorti hier, ce serait un petit peu d'imaginer l'envers de James Bond. C'est-à-dire que James Bond sauve le monde. Et puis il rentre au bureau, il faut qu'il remplisse des notes de frais. S'il a des notes de restaurant, s'il n'y a pas le bon tampon ou le bon cachet, ça ne marche pas. Et puis on s'aperçoit que ces héros, finalement, ces trois agents, qui sont exécrables, comme vous l'avez dit, qui sont xénophobes, qui sont racistes, qui sont misogynes, qui représentent une vieille France qui n'existe plus du tout. Oh bah non, du tout. Et donc on s'aperçoit que ces gens-là sont des tout petits bonhommes qui sont obsédés, s'ils peuvent magouiller un tout petit peu, voilà. Ça parle de ça. Mais vous avez un truc avec les espions. Qu'est-ce qui vous plaît dans le monde du renseignement? Rien, si, plein de trucs, je sais pas. Non, c'est pas ça. Pour le pognon uniquement, en fait, rien qui vous plaît. Mais c'est ça. Non, c'est le, quoi que sur Arte, c'est pas. Non, c'est l'idée de prendre des grands bonhommes, des héros de nos enfances. Enfin, de nos enfances, James Bond est encore un héros pour plein de gens maintenant. Et puis d'imaginer le petit bonhomme qui est à l'intérieur et de dire finalement cet homme très fort, très puissant, il est un peu médiocre à l'intérieur. C'est ça qui m'amuse, tout simplement. Et c'est ça qui vous amusait dans les romans de Jean Bruce sur OSS 117? Vous connaissiez les romans avant? Non, je ne les connaissais pas. Bien que je sois né il y a très très longtemps, c'était encore plus en noir et blanc, c'était en sépia. Et c'était à la fin des années 40. J'en ai lu un. Et puis je me suis dit que ce que m'avaient demandé les producteurs, c'était d'en faire une comédie. Et puis j'ai trouvé que déjà, c'était des bouquins sérieux, je vais faire rapidement. Et je me suis dit, c'est déjà sérieux et rigolo en soi, tellement ça parlait d'une France qui était curieuse. C'est-à-dire un peu raciste, un petit peu sûre d'elle, voilà. Donc vous lui avez passé un coup de polish. Un petit coup de polish. Mes enfants ont le poster de René Coty dans leur chambre quand même, grâce à vous. Ça, c'est les enfants de Manoukian, oui, faut pas s'inquiéter. Et pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi grâce à Jean-François Alain? Le film, quoi. Ils adorent le truc et tout. Et moi-même, j'avais des copains situationnistes. Quand j'étais jeune, on faisait des manifs qui criaient « De Gaulle, ça suffit, Coty, démission ». Non, ils criaient « Coty, ça suffit », c'est ça. Il y a un chanteur qui a un tatouage que vous connaissez bien, qu'un tatouage Jean d'Ormesson. Ben oui. Bon, voilà, après tout. Ah oui. Et aujourd'hui, vos agents secrets, ils diraient quoi? Tout ça ne nous rendra pas l'Algérie? C'est un peu ça. C'est une phrase belge, ça. Non, sur le Congo, c'est ça? Tout ça ne nous rendra. C'est inspiré du titre d'une émission en Belgique qui est Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Mais c'est une phrase qu'on dit souvent en Belgique, c'est vrai? Tout ça ne nous rendra pas le Congo? Oui, pour déconner. Vraiment pour déconner. Oui. D'accord. J'espère, parce qu'elle le dit tout le temps. Du coup, c'est un peu flippant. Tout à l'heure, en Rouen, elle m'a dit ça. Voilà. Sous une photo du maréchal Pétain, je dis ça en plus. Bien sûr. Jean-François Alain est avec nous. Oui. Il ne faut pas confondre René Coty avec le maréchal Pétain. Non, vous inquiétez pas. Non, c'est pas le genre de la maison de. Allez, patauger. Au service de la France, comme cette émission. Jean-François Alain est avec nous. Les quatre derniers épisodes, c'est ce soir, Arte, à 20h50. qu'elle avait de ses yeux un vrai chat abyssin. Et ses seins, deux sphères, entre lesquelles j'abandonnais 2 mois de salaire pour y rouler mon pauvre joint. J'enfonçais mon pieu tel l'Ulysse de mer. Je la verrais raide, plutôt amère. C'est moi, grand Dieu, qui n'y voyais plus rien. Dans la moiteur torride de sa croupe d'airain, voir éclore des renoncules par derrière et par devant un conifère rappelé d'un air jamaïcain. Serge Gainsbourg, Lola Rastaquer, ici Charlotte Rastaquette sur France Inter jusqu'à 18h. C'est un petit peu l'émission du n'importe quoi aujourd'hui, hein, si je ne vous le cache pas. Sur France Inter avec Charlotte Rastaquette. Ouais, sinon, c'était Charline Rastaquette. Non, c'est mieux Charlotte Rastaquette. Mais bien. Faites un tour de table puisque vous avez le micro, André Manoukian. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec comment je Guillaume Meurice, toujours avec Clara Dupont-Mono, avec Juliette Arnault. Et avec notre invité Jean-François Alain. Yeah, yeah. Et à 17h20 sur France Inter, c'est le moment tant attendu des nouvelles objectives. Nous avons croisé les sources. Les sources. Ça, on a peut-être oublié de faire ça. C'est vrai, c'est pas grave, on a pas croisé les sources. Non, on a oublié, allez, c'est pas grave, vous êtes avertis, on y va. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. La France continue de vendre son patrimoine au Qatar. Malheureusement, toujours aucune offre pour racheter Michel Sardou. Clotilde Walter, la secrétaire d'État responsable du choc de simplification, déclare « Nous voulons mieux répondre aux besoins concrets ». Mauvaise nouvelle pour nos compatriotes qui ont des besoins abstraits et qui devront donc attendre. Et il y aura des brèves parce que je remplace Alex Vizorek et qu'il m'a forcé. On commence avec la France qui a vendu au Qatar le bâtiment qui abritait l'Institut français en Autriche, un palais viennois. Oui, effectivement, le Qatar achète des palais comme nous, on achète des petits pains. Des petits pains? Oui. Non, vous voulez dire des croissants plutôt? Non. Pourquoi? Et si? Bah, Qatar, croissant, islam, tout ça, ça. Non, Juliette, c'est gênant un peu, là, votre analogie. Hein. Ah, mais non, pas du tout. Mais moi, je parlais de viennoiserie. Palais viennois, viennoiserie. Oh là là là là, Juliette, c'est gênant un peu, votre jeu de mots, là. Ouais, mais non, mais pas du tout. Hein. Moi, je fais que reprendre le style Alex Vizorek. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, ça va. Ok, autant pour moi. France toujours. Le choc de simplification dans l'administration se met en place. Ainsi, dorénavant, la règle du silence de l'administration vaut acceptation. Oula, attendez, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si l'administration ne répond pas alors que les démarches d'un citoyen ont été engagées dans un délai jugé nécessaire et suffisant, le citoyen, susnommé, pourra faire valoir l'usufruit dans la limite des stocks disponibles, voire conditions, en magasin. Ça va pas, on pige rien du tout, là. La simplification, c'est complexe. Oui, en effet. On reste en France avec l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar, qui a eu droit à 11 pages dans le Figaro Magazine pour y raconter son marathon de New York. Oui, le Canard Enchaîné nous apprend que son voyage était financé par la marque de chaussures de sport Asics. Oui, alors ça, c'est somme toute assez courant. Ah bon? Ah oui, je rappelle que Laurent Delahousse est sponsorisé par Viveldop et que ça ne choque personne. Mais c'est bien vrai. Mais oui. Et que dire de François Hollande sponsorisé par Colorel? C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Vieillesse toujours. Au Sénat, nouvel examen budgétaire pour obtenir ou non une réduction de la TVA sur les protections périodiques. Paradoxalement, on soupçonne la Chambre haute de se montrer plus favorable que l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais c'est étrange. Pas tant que ça. Le Sénat envisage de rajouter un amendement sur les couches confiance. Sans transition, lu dans le Huffington Post, les chauffeurs Uber consulaire de Jakarta devront désormais passer un test d'odeur. Ah là là là là là là là là. C'est les roues qui vont pas être contents. Oh là là, mais attendez, mais Juliette, qu'est-ce qui vous arrive là? Mais je vous l'ai dit, je reprends la ligne vive-oreille. Ah oui, c'est vrai, d'accord, effectivement, c'est cohérent, on enchaîne, autant pour moi. David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach se sont montrés mordants et irrévérencieux durant leur interview du président iranien Rouhani. Quoi? Attendez, attendez, attendez, vous êtes sérieuse là? Oui, je l'ai lu. Oui, d'accord, mais vous l'avez lu où? Dans la Gazette de Téhéran. C'était une brève. Ah oui, d'accord, je comprends, je comprends. Terminons d'ailleurs avec une dernière brève. Oui, alors là, bien sûr, je vous la lis telle quelle. Mm-hmm. Deux points, ouvrez les guillemets. Il glisse sur une frite et casse le col du fémur de son chien. D'accord, et c'est tout? Bah oui. Mais non, mais c'est nul ça, Juliette. Ouais, mais je vous l'ai dit, je reprends le style Vizorek. Ah oui, c'est cohérent. Alex Vizorek qu'on embrasse, qui est absent aujourd'hui parce qu'il joue dans le fin fond de je ne sais où, quelque part en France. Il joue au théâtre Kev Adams aussi. Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Oui, ou au théâtre Popek, on ne sait pas, on l'embrasse. Il revient demain, je vous assure. Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Jean-François Alain, qui, heureusement, vous nous écoutez de temps en temps, donc vous savez, vous êtes tombé, donc vous n'avez pas peur, donc tout va bien. Merci. Premier sujet avec vous, Jean-François. Eh bien, François Hollande s'apprête à recevoir le président iranien Hassan Rouhani la semaine prochaine, 16 et 17 novembre. Et au-delà des égards dus aux grands humanistes et philanthropes de la trempe de M. Rouhani, le protocole s'avère compliqué en raison des us et coutumes de chacun. Alors concernant le dîner officiel, les Français ont prévu de mettre les pieds dans le plat. Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. J'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin avec le micro, d'accord. Un extrait de SS 117. Alors, c'est normalement, il était dans la première version du scénario, il le tuait, le muezzin. Oh, ah ouais. Oui. Ah, t'as dit, oh putain. Vous avez dit, oh putain. Oui, c'est ce qu'on dit des producteurs aussi. Ils ont dit, oh putain. Ouais. Et moi, je trouvais que ça faisait une très belle bande-annonce. C'est-à-dire, on imaginait le Caire, la nuit, le muezzin, et puis, comme ça. Et, voilà. Et puis, en fait, non. Non, en fait, non. Très bien. Oui, non, dans OSS 117, qui est vraiment une mine pour nous, on utilise beaucoup de sons d'OSS 117. C'est... Et du Grand Détournement aussi. Et oui, aussi, qui c'est a été vrai, fait notamment. Par Michel Hazanavicius. Ah, oui, et des guignols aussi, on utilise beaucoup. Oui, à l'époque énormément. Où les guignols existaient, en fait. Et voilà. Voilà, et ça. Où Canal était encore. Canal, ouais, allez. Vous savez que c'est un sujet qu'il ne faut pas tellement aborder, Charline, Canal. Pourquoi? Sur France Inter. Je ne sais pas, des hein gens ou des soucis. Pensez ouais. Oui. Ah bah c'est dommage parce que c'est un peu le sujet 3. Donc. Ça tombe bien. Allez, donc Hassan Rouhani, on en sait un petit peu plus grâce au canard enchaîné. Heureusement qu'il est encore là, lui. Hein, on va pas le chasser, le canard, c'est moi qui vous le dis. Hassan Rouhani refuse de s'asseoir à une table où il y a du vin. Alors, l'Élysée refuse qu'il n'y ait pas de vin à table. Bon, alors l'Élysée dit refaire un petit-déj. Alors, Hassan Rouhani dit il ne peut pas faire de petit-déj, c'est l'heure de la prière. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Hassan Rouhani dit venez à l'hôtel. Et là, François Hollande dit ben, moi, je ne vais pas à l'hôtel. Tout ça, c'est dans le canard enchaîné ce matin. Bon, alors finalement, ils vont faire une sorte de réunion très sobre hein, dans une pièce. Voilà. Une réunion de travail, en fait, parce que sinon, on ne comprend pas tellement ce qu'ils vont faire dans la réunion de travail. Alors, là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à vous, Jean-François Alain. Je me suis dit, mais. À cause de travail. Mais le scénario. Mais là, il y a un scénario, mais qui dépasse même l'imagination presque que d'OSS ou au service de la France. Mais il y avait un sketch qui avait été très drôle. C'était quand Sarkozy avait reçu Kadhafi. Avec sa tante. Ah, avec sa tante. Ouais. Enfin, pas la tante de ni de Kadhafi, ni Sarkozy. Mais avec la tante installée, avec tout ça, c'était quand même vraiment très, très drôle. Et oui, à chaque fois qu'il y a un dictateur. Oui. Qui vient en France, ça crée forcément matière. Oui, mais c'est parce que vous les voyez comme des dictateurs, ce sont des clients. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est un peu parce que je pense que là, on va parler de. Enfin, ils vont parler de plein de choses, mais aussi de. Apparemment. Démocratie. Des droits de l'homme, je crois que c'est ça. Voilà. De fourniture d'uranium à hauteur de 610 millions d'euros, de choses comme ça. Ah non, ça c'était. Donc, excusez-moi, non, ça c'est Nazarbayev, ça c'était la semaine dernière, c'était le dictateur kazakh. <ouais. rire> oui, François Hollande qui avait dit en 2012 « Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris ». Donc maintenant, il les invite en petit appareil. Ce qui ne veut pas dire qu'il les invite en slip, mais... Mais est-ce qu'ils vont manger quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un petit goûter? Un petit... Vous ne croyez pas si bien dire. On verra peut-être à la fin de l'émission, on a peut-être des éléments de réponse. Mais je me disais, Jean-François, est-ce que vous avez des informations sur les dessous de ces événements-là? Est-ce que vous vous rendez... Ben, j'imagine, par exemple, service de la France, d'où sortent les informations, les documents, quelles sont les sources? Parce que là, vous allez vraiment dans les coulisses. Vous le voyez bien ici, c'est-à-dire que quand on fait de l'humour, c'est un peu la politique du pire. On imagine ce qu'il pourrait y avoir en caricature. On voit pas. Non, non, mais c'est très bien résumé, la politique du et pire. Et puis la vie, malheureusement, c'est souvent la politique du pire. Il arrive souvent le pire dans la vie. Donc quand on imaginait, par exemple, quand j'étais au Guignol, on imaginait des choses, on caricaturait, et puis finalement, ça arrivait vraiment. Et pour le service de la France, c'est pareil. On s'est aperçu finalement qu'on avait des points communs avec une autre série de... qui elle est sur Canal+, qui s'appelait Le Bureau des Légendes. Mm-hmm, eux ont fait des grandes recherches sur les services secrets, nous pas du tout. Et vous arrivez au même résultat. Non. Non. Non, mais en tout cas, on a pris plein de travail. Il y a plein de points communs. Quoi. Oui, ça ne salue pas le travail. Vrai, vrai. Donc c'est ça, c'est la politique du pire. Alors, on imagine des choses, finalement, elles arrivent. Chez vous, c'est plus un pastiche, alors on peut dire. Ouais, c'est une, je sais pas comment dire, une exagération. Voilà. Une exagération. Oui. Jean-François Alain est avec nous et à ses côtés, il y a André Manoukian qui va entamer une chronique à 17h28. La question, c'est à quelle heure sera-t-elle terminée? Mais de toute façon, ça n'est que du bonheur et du plaisir. Voilà, alors l'introduction est un petit peu longue. C'est le principe du makam. Hein. Ça, c'est la musique qu'on pratique en Iran pour rebondir avec le sujet d'avant. Le makam, c'est qu'on tourne musicalement autour d'un point. On fait des boucles. Hein, on fait des enjolivements, on va jamais droit au but, sinon c'est très impoli, quoi. Alors donc, pour ne pas être impoli avec ma chanteuse qui s'appelle Soumti, je vais commencer par aller chercher le quadrille des Tuileries. Elle est... Alors, c'est là que ça se complique. Ah, c'est là. Ça veut dire que ça complique un peu plus ça tard. Ça veut dire que nous sommes en 1792. Ouais. Ah, okay, c'était très bien jusque-là. Ouais. Il faut se rappeler le contexte. Ouais. On est au sortir de la terreur. La guillotine tourne à plein régime à tel point qu'il arrive un moment où les coupeurs du tête s'étant fait couper la tête à leur tour, on ne trouve plus un seul givaro dans Paris pour finir le boulot. Donc, profitant de cette accalmie, la jeunesse sort, se réunit dans les jardins du Palais Royal qui sont à l'époque le hotspot de la night. Elle va s'accoudrer de vêtements excentriques, les gars se mettent des pantalons rayés, un peu comme les colonnes de Buren. Et je me demande si Buren n'a pas pensé à ça, puisque c'était au Palais Royal que ça se passait. Mais il faut vérifier. Lui accorder beaucoup de bénéfices, je pense. Voilà, il y a des coiffures extravagantes avec des grandes mèches qui vont jusqu'au milieu du dos, en solidarité avec les guillotinés. Parce que le premier geste que faisait le bourreau, c'était de couper tout ce qui dépasser les cheveux pour que la guillotine fasse bien le job. On les appelle les incroyables et les merveilleuses. Ils inventent une danse, le quadrille, qui se danse à quatre. Vous voyez déjà un peu les coquins. Et ils se moquent des bourgeois. Ils font des sortes de parades un peu boursouflées comme ça, en sortant le plastron. Un petit peu comme Brando, vous savez, se moque des danseurs de salon dans Dernier Tango en leur montrant son cul. La danse, c'est quelque chose... Quand on s'attaque à la danse, en fait, on s'attaque à une société. Cette danse de moquerie, bizarrement, elle va être prise au sérieux. Et les colons français qui vont partir en Louisiane vont l'emporter dans leur valise. Et elle va se faire railler à son tour, cette danse, par leurs esclaves noirs. Les planteurs vont trouver ça tellement drôle, les esclaves vont s'affubler de temps en temps des attributs des patrons et puis ils vont parader comme ça. Les tauliers trouvent ça tellement rigolo qu'ils organisent un concours et celui qui se moque le plus va gagner, le couple gagnant va gagner un cake confectionné par la patronne et ça va devenir le cake walk. Le cake walk, c'est un vrai genre musical. Debussy va en écrire quelques-uns des cake walks. Le cakewalk s'accompagne au piano. La musique va être nommée. On va appeler ça, cette espèce de rythmique, un rythme de chiffon. Hein. En anglais, le chiffon, c'est rag. Le rythme, c'est time. Et voilà, comme ça. Ah. C'est comme ça que naît le ragtime. C'est une invention pratiquement française. Vous êtes fiers, non? Oui. Alors, le cake... nous non, voilà. Non, non, le cake, vous aviez passé, c'est la ligne 8, là. Sauter de ligne. On en était au rag. Oui, on se retrouve 200 ans plus tard, en Jamaïque. Oula. Le cake du cakewalk est devenu un muffin. Le muffin, c'est un petit cake rond. Ok, un space cake, si vous voulez. Et les gars, qu'est-ce qu'ils se disent dans la rue? Hey, tranche de cake. C'est ça qu'ils se disent, les gosses, dans la rue. Et toi, t'es un cake en chiffon, pauvre con. Cake, muffin, en chiffon. Rag, raga, muffin. Wow. Tranche de cake. Ah, ok. Et tu sais rien faire d'autre que déclamer tes diatribes. Et non pas raga brownie. C'est un autre gâteau en fait. Ou raga 4K. Ou raga cookie. Ça sonne pas pareil. Non, hein. Pareil. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font les... C'est pas grave, c'est l'heure du thé sur France Inter. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Qu'est-ce qu'ils font, les ragamuffins? Donc, eh ben, ils font des diatribes sur les faces B des 45 tours. En Jamaïque, à l'époque, on n'a pas beaucoup de sous, toujours pas. Mais donc, quand on fait un studio, ça coûte une blinde. Les gars, ils enregistraient qu'une seule chanson. En face B, ils faisaient quoi? Ils mettaient les instrumentaux. Et les gars, ils s'emparaient des instrus, parce que du coup, ça faisait. Et là-dessus, bah, ils diatribaient en commençant à jouer avec la chambre d'écho. C'est ainsi que naît le genre, le ragamuffin. Le recyclage avant l'heure. Décidément, les pauvres étaient vertueux en ce temps-là. Voilà. Donc, la boucle se boucle, comme dirait Bergson. Vous m'avez suivi? Là, on est sur le ragamuffin. Bergson, pour qui le temps n'existe pas, mais n'est qu'une série de séquences, de boucles qui s'inscrivent les unes dans les autres. En Inde, depuis le 5e siècle, la musique s'apprend par séquences entières, par phrases. Ces phrases, il faut en connaître plus de 1000 avant de s'exprimer musicalement. Et ces bouts de phrases que l'on chante, que l'on rythme, qui ont une signification, ça s'appelle des ragas. Mais c'est des glingos, non? C'est fou, mais ça, dingo, André. Mais dingo. C'est un mot sanskrit, le raga, qui signifie attirance, couleur, passion. Et chaque raga est lié à un sentiment, une saison, un moment du jour. Moi, si j'étais un musicien indien, Charline, je ne jouerais pas la même chose au lever du soleil qu'au moment où vous vous passez votre crème de nuit sur vos fossettes avant beau. De vous glisser dans les draps. En tout cas, vous n'êtes pas musicien suisse, hein, parce qu'il est... Alors, un raga, c'est tak dek tak dom, par exemple. On chante tout. Ça, c'est une phrase, ça veut dire quelque chose, je vous dirai pas quoi. Elle s'appelle Soumti. S-O-O-M-T. Elle est indienne. D'origine, ses parents sont établis à Glasgow. Elle a grandi dans les quartiers chauds de la capitale. Elle se bat contre l'injustice sociale parce que chez Thatcher, ça chie, ça continue toujours à chier. Je vous rappelle que les Anglais sont les premiers migrants d'Europe. C'est la vérité. Ce sont les plus nombreux à foutre le camp de leur pays. Bref, après plusieurs années, elle se rend compte que le plus efficace, c'est de chanter pour faire passer son message. Soumti montre des soirées underground, des sound systems dans toutes les l'Écosse, elle chante. Les ragas de ses ancêtres sont devenus la musique de tous les vrais chiffonniers. Une musique qui sonne, qui résonne, qui réveille. La musique de tous les damnés de la terre. On écoute son single, ça s'appelle City Zoo. I woke up this morning and decided I am gonna visit the zoo today. How come? Because I'm fascinated by wild animals. So, are you gonna go to Glasgow Zoo? Nah, Glasgow City doesn't have a zoo. I'm gonna go to Edinburgh. How come? Because Glasgow City doesn't need a zoo. Glasgow City is a zoo. No begging for my seat to white Mercedes. Been to well and danced in 80s. Came right back for the one in the delivery room. In a taco street in Glasgow. With a chip shop and a head hole. Thought pointed at the road and said, I'll see you soon. The danger gone. s'appelle Soumti, elle chante City Zoo. Et elle sera en concert en France en février prochain. En parlant de concert, le 16 novembre, lundi prochain, à La Cigale, il y a Guillaume Perret, le saxo électrique, qui avait beaucoup fait rire Clara. Ah oui, le sax électrique. Mais c'est, voilà, il joue juste une musique formidable, faut y aller, c'est lundi prochain, il reste encore des places, c'est à La Cigale. Si vous voulez vibrer, allez-y, écoutez du sax électrique. Respiration anale. Oh là là, ah, là, voilà. C'est Clara Dupont-Mono, se rappelle très bien des chroniques d'André Manoukian. Oui. Ça fait plaisir. Jean-François Alain est avec nous jusqu'à 18h. On rappelle que Au service de la France, la série dont vous êtes le créateur et le co-scénariste, eh bien, on peut voir les 4 derniers épisodes ce soir à 20h50 et rattraper quelques autres sur Arte TV, puisque c'est sur Arte que c'est diffusé. À cette heure-ci, c'est un moment très attendu d'investigation, de bonne humeur, de comique, de révélation. C'est le moment d'enquête. Meurice et d'enquête. Eh oui, alors moi je vais vous parler surpopulation aujourd'hui, parce qu'on le sait, nous sommes trop nombreux sur Terre, trop d'êtres humains. Heureusement, la nature est bien faite, car l'espèce humaine est aussi la plus con de la biosphère. Elle est donc capable de s'éliminer toute seule. Elle fait du surf avec des requins, elle nourrit son pitbull avec son enfant, elle s'étouffe dans son vomi après un concours du plus gros mangeur de saucisses, ou alors elle conduit sa voiture comme une grosse débile. D'ailleurs, à ce sujet, le nombre de morts sur les routes a encore augmenté ces derniers mois. Je suis donc allé voir des automobilistes. Commençons avec un premier foufou du volant. Est-ce qu'il a encore tous les points sur son permis? Il me reste tous les points, oui. J'en ai eu, on m'a enlevé, on m'a remis, mais non, ça va. Ah, on vous en a enlevé quand même? Un moment, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai assassiné une vieille dame et j'étais blanchi par la cour d'assises, mais on m'avait enlevé 2 points de permis de conduire. Ah, ça, c'est intéressant. Très belle participation à la lutte contre la surpopulation. Très belle initiative également pour solutionner le problème des retraites, hein, en même temps. Alors attention, hein, s'il y a des tueurs en série qui nous écoutent, au bout de 6 vieilles, c'est retraite permis. Hein, donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas vrai. C'est un vrai monsieur. Après, j'ai pas vérifié, hein, j'ai pas mené l'enquête. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, je retransmets l'information. Des points en moins, on peut aussi en avoir à cause de ces foutus radar. Pourquoi cet autre automobiliste n'aimait pas ça? Parce que c'est souvent très pervers, c'est dans des descentes, c'est derrière un pont. Enfin, je veux dire, il suffit qu'on dépasse de 15 km à l'heure pour qu'on soit complètement attrapé, alors qu'il n'y a aucun danger, aucun risque. Et c'est vrai que c'est souvent dans les descentes, quoi. C'est jamais dans les montées, en général, les radars. Voilà. Bah dans les descentes, il y a peut-être un risque, du coup, non? Non, pas plus que ça. C'est pas plus dangereux que dans les montées? Non, je crois pas. On va pas plus vite dans les descentes que dans les montées? Un peu plus vite, mais bon, à 10 ou 15 km à l'heure près, je pense pas, avec les véhicules d'aujourd'hui. 130, je pense que jusqu'à 140, 150, c'est sans grand risque. Mais évidemment, il a raison, parfaite attitude. J'ajouterais même 140, 150 en ville, voire devant les écoles maternelles, si possible. Si tout le monde était comme lui, on réglerait le problème de la surpopulation en 2 mois. Bon, le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, on serait plus assez nombreux pour faire une belote. Donc, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Alors, il y a d'autres conducteurs qui, eux, certes, n'aiment pas les radars, mais qui cherchent quand même des moyens pour que les gens aillent moins vite sur les routes. Que les gens roulent moins vite, il y a des dizaines d'autres solutions qui ne seront pas financières mais qui cette fois-ci n'intéresseront pas l'État. Alors lesquelles par exemple? Par exemple de baisser le prix du flash déjà. Du coup les gens vont quand même rouler vite alors. J'ai pas de solution pour que les gens roulent moins vite, mais je ne trouve pas que de faire payer les gens qui roulent vite est une solution. Ah mais non, mais on est bien d'accord, on devrait même subventionner les gens qui roulent vite et bourrer en plus, ça serait bien, car 2 chauffards qui se rencontrent, ça fait 2 cons en moins d'un coup, hein. On optimise le processus d'évolution de l'humanité. Darwin, si tu nous écoutes, big up bro. Comme cet automobiliste avait de bonnes idées, je lui ai posé une autre question. Et si jamais il faisait des voitures bridées à 130, est-ce que vous en achèteriez? Je crois pas. Ça peut faire des accidents ça par contre. Si toutes les voitures étaient limitées à 130, ça pourrait faire plus d'accidents. Plus d'accidents? Ouais. Parce que comment vous expliquez ça? Tout le monde roulait à la même vitesse et du fait que tout le monde roule à la même vitesse, que chacun puisse s'adapter à l'autre, ça risque d'être dangereux. Voilà, donc on comprend pas trop la logique, mais bon, si brider les bagnoles à 130, ça fait plus d'accidents, il faudrait y penser. Il faudrait même que les radars flashent les gens trop lents. Mais alors, attention quand même, on dit beaucoup de mal des radars, mais le radar peut également être une bonne solution pour créer des accidents de voiture. C'est une conductrice qui me l'a dit. Le radar me montre, me fait penser au radar et pas à la route. C'est-à-dire que je veux pas me faire gauler, donc je regarde pas forcément ce qui se passe autour de moi. Ah, vous regardez le bas-côté du coup? Oui. Et ben voilà, c'est exactement comme les panneaux de signalisation et les feux rouges. Ils sont mis là juste pour faire des accidents. C'est comme les publicités avec Monica Bellucci en soutif. On les regarde et puis on finit par rentrer dans Yannick Noah en slip. C'est quand même vachement moins agréable. Et ben les radars, c'est pareil. Et en plus, le gouvernement en veut davantage. Quand qu'en pense cette même brave dame? Ça va me faire chier, mais royal. On va être des escargots. Par exemple, ils ont mis un radar devant le tunnel du pont de l'Alma. Est-ce que vous pensez que oui, c'est... Oui, je le connais bien, celui-là. Tous les matins, je le vois. Eh bien, je freine avant et puis j'accélère après. Vous pensez que c'est un endroit dangereux? Non. Il n'y a pas d'accident de voiture là-bas? Bah, j'en ai pas vu en tout cas, mais moi je pars tôt le matin. Oui, elle part tôt le matin et s'intéresse visiblement pas de près à la monarchie britannique ni à ses princesses. Parce que je vous rappelle que si on dit que les Anglais ont la tête dure, elle l'est toutefois moins qu'un poteau du tunnel du pont de l'Alma. Alors les cons, continuez à avoir la tête molle avec rien dedans, c'est la seule et unique bonne conduite à suivre. Guillaume Meurice, merci, qu'on peut voir en chair et en blague, samedi soir à Sénas. Mais oui, complètement. C'est en région PACA. En région PACA, Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a du reportage qui se prépare en région PACA? Sans doute. J'irai taquiner le chaland. Très bien, on est impatients. Alors lundi, on entendra le résultat. En attendant, on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Jean-François Alain, d'André Manoukian, de Clara Dupont-Monod, de Juliette Arnaud. Vous êtes à fond pour le sujet 2? Piou. Concentration qu'il y a. Sujet 2. Alors vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à participer au sujet 2. Qui, je le rappelle, est entre le sujet 1 et le sujet 3. Les demandes de protection policière pour les personnalités, eh bien, elles ont explosé. C'est un article paru dans Le Point ce matin. Certains ministres sollicitent parfois les services de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Pas que pour eux, aussi pour un ami ou pour un proche. Ce qui est généreux, mais qui provoque des conséquences qui dépassent l'entendement. Je n'ai pas fait exprès, patron, c'était un accident. Je ne vous parle pas de la princesse Valonie. J'ai reçu ce matin un coup de fil du Festival de Cannes. Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. La personne à protéger est une vedette de cinéma, Simon Jeremy. Mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir. Paul, ce qui veut dire... Vous arrêtez la protection rapprochée avec la princesse Valonie. Mais mon oncle, pourquoi? J'ai promis à ses parents de vous éloigner jusqu'à son avortement. Jusqu'à son quoi, pardon? Jusqu'à son avortement. C'est un extrait de La Cité de la Peur. Des gardes du corps très spéciaux, c'est donc une enquête dans Le Point. Les politiques et les personnalités réclament de plus en plus de protection. Protection d'État. Alors, l'ambiance sécuritaire en ce moment, est-ce que c'est pas les huiles? C'est-à-dire nos politiciens, les personnalités, etc. Ils ont tellement... Je sais pas, ils flippent. Ils ont besoin de protection policière. Je me dis, est-ce que c'est pas finalement eux qui flippent plus que nous, et que tout ça descend la pyramide et qu'entretient une paranoïa un peu générale? Mais je me souviens de la grande manifestation pour Charlie, c'était le 11 janvier, et Netanyahou était venu, et il avait demandé si le bus dans lequel il y avait tous les chefs d'État était sécurisé, et si tout ce qu'on voyait, tous les appartements avaient été vérifiés, et tout ça. J'avais lu ça dans Le Monde. Et Hollande avait dit oui, tout est vérifié, tout est sécurisé, et c'était pas vrai. Rien n'avait été. Voilà. Ça s'appelle l'effet placebo. Oui, voilà. Et donc, il s'est senti très bien. Je me souviens de ce truc. Oui, alors, il y a une sorte, voilà, une sorte de parano. Alors, le fait d'être surprotégé comme ça quand on est au pouvoir, est-ce qu'on peut pas imaginer que ça entretient une forme aussi de paranoïa et de fantasme? De fantasme, ouais. Est-ce que c'est pas tout simplement aussi pour protéger les toutes petites idées de gauche qui restent un tout petit peu dans un placard, on part à droite à l'Élysée, qu'on met des vigiles, des gardes du corps. Ah, c'est pour pas qu'elles sortent alors dans ce cas-là. Oui, qu'elles sortent, voilà, qu'elles prennent le jour, qu'on les vole, je sais pas. Je sais pas. C'est une idée, parce qu'en plus elles se battent entre elles en ce moment. Donc. Quand Christiane Taubira va au boulot à vélo, c'est un bel exemple, une belle image. Enfin, ça complique un peu les choses quand même. Mais... Elle va en vélo au boulot, Christiane Taubira? Oui, ça arrive. Alors, en tout cas, il y a une photo dans, je sais pas si elle le fait encore, mais il y a une photo dans Le Point aujourd'hui. Et cette enquête qui est assez amusante parce que, alors je vous lis un extrait. Donc il y a à ces services spécialisés dans la protection des personnalités et finalement une forme d'antiterrorisme, etc., le SDLP, qui recourt très souvent à des sociétés de location de voitures parce qu'ils n'ont plus assez de... Voilà, ils sont débordés. Alors, des véhicules pas franchement adaptés aux missions policières. Alors, il y en a qui expliquent « L'autre jour, un collègue roulait dans une voiture de location avec un toit panoramique. Il est obligé de tenir le gyrophare à la main parce qu'il n'adhérait pas. » Jean-François Alain, ça, c'est, vous auriez rêvé de l'imaginer dans une série, ça, non? Là, c'était un extrait de La Cité de la Peur, justement. C'est ça, mais oui, j'ai l'impression que c'est exactement ça. C'est exactement le même style d'humour, ce que vient d'entendre. Voilà. Après, ils sont traités aussi comme des majordomes. C'est ça aussi le problème. Oui. Ils disent dans l'article que ce sont des gens à qui les personnalités censées être protégées demandent d'aller chercher le poulet rôti du dimanche midi. Et c'est vrai que quand on voyait un policier chercher un poulet rôti, mais d'aller aussi chez le teinturier, d'aller et eux n'ont pas envie, leur métier c'est pas d'être majordome. Ça vous plairait d'avoir ça, Clara? C'est privé. Ouais. C'est privé. Oui, alors il y a aussi ceux qui demandent aux policiers de les lâcher le week-end pour aller à Deauville, mais la semaine, c'est autant de les avoir. Je vous renvoie à l'article du Point, qui est assez croquignolesque. Je pense que ça pourrait beaucoup vous inspirer. Et juste citer, Charline, une des phrases qui est mise en exergue dans l'article, c'est un policier, juste, donc, justement, qui dit « Un collègue a gentiment remis en place sa personnalité qui sniffait de la coke dans la voiture. Ouais, » Donc c'est le monde à l'envers, parce que les gars, ils sont quand même policiers. Ouais. Bah, en disant « Je vous rappelle que je suis agent, ne faites pas ça devant moi. » Tant que vous avez le crachoir, Clara Dupont-Mono. Absolument, je le garde. Mais gardez-le, exactement, c'est l'idée. Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est toujours la guerre en Syrie. Alors j'ai un peu plombé l'ambiance, mais enfin, qui se poursuit. Derrière ça dépend, il y a des bonnes blagues à faire là-dessus. Oui, non, pas tellement. Qui se poursuit derrière les projecteurs et derrière les photoshocks. Alors nous, occidentaux, nous connaissons désormais le sort trop souvent réservé aux migrants. En revanche, on en sait beaucoup moins sur ceux qui sont restés en Syrie, qui habitent le pays, et comme il est très dangereux pour les journalistes d'entrer dans le pays, et ben, du coup, les informations sont assez rares. Et ben, c'est là qu'intervient la littérature, capable de tout voir, d'arpenter la planète, et en plus de se mettre dans la tête des hommes. C'est qu'on a là un roman qui s'appelle Le promeneur d'Alep de Niroz Malek, et qui est paru au Serpent à plumes, et on entre en profondeur dans l'existence des Syriens. Niroz Malek, il est issu de la communauté martyr yézidi. Et ça vous dit tous quelque chose. Mmh. Il vit à Alep et il raconte en petits chapitres qui ressemblent à des tableaux le quotidien sous les bombes. Alors il aurait pu partir, mais non, il ne peut pas partir. Il écrit « Derrière moi, dans ce bureau, ce ne sont pas des livres, des bibelots et des photographies que je laisserai, mais mon âme. C'est pour cela que je ne partirai pas de chez moi, car il n'y a pas de valise assez grande pour contenir mon âme. » Ah, c'est très joli. Lui, en revanche, il est entouré par des gens qui partent. Alors parfois, ces gens autour de lui qui sont partis, ils reviennent. Et il a comme ça un vieil ami, un vieux pilier de bar, qui a réussi à partir et puis qui est rentré. Et quand il rentre, ses copains effarés lui disent « Mais t'es fou, mais pourquoi t'es rentré? Ils sont à Alep, sous les bombes. » Et le vieux monsieur répond « Je n'ai rencontré personne dans ces pays-là qui me laisse bavarder avec lui en jouant au tric-trac. » Voilà, tout est dit. Alors d'autres fois, il ne rentre pas. Et quand Niroz Malek écrit, je cite « J'ai vu des vêtements de petits garçons et de petites fille apportée par les vagues, eh bien, il annonce la terrible image de Elan sur la plage de Bodrum que l'on a tous en tête. Donc, ce que découvre le lecteur à travers ce livre, ce sont des îlots. Un îlot d'habitude, d'attachement, de souffrance dans un pays qui ne tolère plus aucune habitude, aucun attachement, mais en revanche, beaucoup de souffrance. Les journées s'écoulent, on est avec lui, s'écoulent au gré des coupures de courant, des explosions dans la ville, parfois juste à côté de l'immeuble de Niroz Malek. Il sort. Dès qu'il peut, il sort. Il quitte son appartement pour aller retrouver ses copains au café. Donc là, il évite les barrages. Et puis à un moment, il passe devant un parc. C'est l'hiver, il fait froid. Et il voit des familles frigorifiées qui coupent les branches des arbres. Et a priori, c'est pour faire du feu. Et l'écrivain les alerte. Il leur dit « Mais ce bois, il est ouvert. Ça va faire que de la fumée. Ça va jamais chauffer. » Et évidemment, la famille n'entend pas. Ils sont gelés. Ils ont des enfants. Et donc, ils continuent à décimer le parc. Une autre fois, il croise un soldat. Et le soldat lui dit « Ah, mais vous êtes écrivain. Eh ben, j'ai écrit une lettre pour ma fiancée. Est-ce que vous accepteriez de la relire pour être sûr qu'il n'y a pas d'énormité ou de maladresse ?» Et Niroz Malek accepte. Donc, le soldat lui laisse la lettre. Et évidemment, le soldat est soufflé dans une explosion quelques temps après. Et Niroz Malek, eh ben, il a toujours la lettre avec lui. Dans ces cas-là, on se dit, mais qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui fait qu'on tient? Qu'est-ce qui aide à vivre? Eh bien, c'est l'amour des livres. Il se trouve que Niroz Malek possède beaucoup de livres. Ce sont ses seuls amis, finalement, fidèles, inamovibles. Et son grand plaisir secret, c'est de s'asseoir dans sa bibliothèque et de laisser traîner son regard sur les tranches des livres. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui lui vient? Eh bien, en regardant le livre, je cite, il dit, je pénètre dans leur jardin, je regarde les paysans, les ouvriers et les petites gens, cette belle vie en face de nous, que nous n'avons pas encore mené. Voilà, la littérature contre tout. Je vous redonne les références. Le promeneur d'Alep de Niroz Malek est paru au Serpent à plumes. Vous retrouverez cette chronique dans le Parisien Magazine, page 24, qui sortira demain. Oui, j'ai déjà lu le Parisien Magazine. Voilà. Avec quoi en couverture? C'est hyper bien. En couverture, il y a le meilleur ami de Guillaume Meurice qui s'appelle Emmanuel Macron pour une interview exclusive. C'est ça toujours sortira. Très joli les couvertures du Parisien Magazine. Merci. Non, je c'était une blague. Voilà. J'allais dire, je n'y vois aucune malice. Non, le magazine est bien, mais les couvertures sont drôles, pas... Ce sont des vannes. Mais c'est une interview à charge. Moi, j'ai lu, ça y va fort. Hein. Ouais, ils sont pas tendres. Allez, c'est un garçon plein de fantasmes. Troisième sujet avec vous, Jean-François Alain. Vincent Bolloré se lance à la conquête du spectacle avec l'ambition de créer un vivier d'artistes Vivendi. Bolloré vient déjà d'acheter le Théâtre de l'Œuvre avec François-Xavier Demaison pour produire des jeunes qui n'en veulent, qui débutent et qui rapporteront gros. Je veux juste vous dire que je m'appelle Rupert Pupkin. Et non, je sais que mon nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est très important pour moi. Et Enfin, je... Calmez-vous, je suis nerveux. Comment avez-vous dit que vous appeliez? Rupert, je m'appelle Rupert Pupkin. Bon, alors écoutez, mon vieux. Il faut que je vous dise que c'est un métier de fou, mais que ce n'est pas un métier comme les autres. Il a des règles de base. Et on ne vous laisse pas passer comme ça dans une émission sans aucune expérience. Alors, je sais bien que c'est un cliché tout à fait banal, mais c'est exactement la vérité. On doit toujours commencer en bas. Oui, mais là, il n'y a pas de problème. Je suis en bas. C'est l'endroit parfait pour débuter. Un extrait de La Valse des Pantins. Oui, de Scorsese. Jerry Lewis et Robert De Niro. Oh, voilà. Mm. Vous êtes incollables. Roger Carrel et Pierre Arditi. Ah oui, la doublure en français. Ah ouais. Et blanc. Juliette Arnault, waouh. Dis donc, quelle équipe. Merci Google. Voilà. Alors, c'est un article paru dans Le Figaro, qui s'y connaît assez bien en industriel qui dirige les médias, donc on peut leur faire confiance. voilà, le monde du spectacle à l'heure de la révolution, laquelle, eh bien, la révolution, bah, les industriels ou les grands patrons qui s'attaquent au spectacle. Alors, il y a bien sûr Bolloré et je vais vous dire qui d'autre tout de suite. La Charrière. Marc-André de la Charrière, tout à fait. Et alors, Vincent Bolloré, lui, il a une stratégie. Alors, je rappelle que Vivendi détient, alors, il y a Universal Music, il y a Canal+, il y a D8 et il y a l'Olympia. Le Figaro nous explique, la stratégie, c'est Universal repère les artistes, Hanouna les fait connaître sur D8, puis éventuellement ils passent au grand journal, ils font leur premier pas au théâtre de l'œuvre qui maintenant appartient à Bolloré, et bim, la machine est lancée, une sorte de verticalité dans la stratégie. Une sorte d'élevage en batterie. Comme dans La Nouvelle Star, en fait, un peu, Dédé. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des humoristes et des chanteurs qui vont appartenir au groupe Vivendi. Est-ce que c'est facile à vivre, ça? Je sais pas, le processus est déjà en marche pour les humoristes, non? Mais ce qui est incroyable, quand on lit toute la stratégie de Vincent Bolloré, c'est qu'on a l'impression que Canal+ avant était totalement autre chose. Alors, est-ce que c'était quelque chose de totalement perdu et fini, et que c'est la solution, c'est ce qu'il fait maintenant? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas. Mais quand je lis tout ce que... les acquisitions, les nouvelles choses, les changements, tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passait à Canal+ avant? C'était si perdu que ça? C'était si éloigné de la réalité? Je ne sais pas. Et peut-être que la solution, c'est Vincent Bolloré. Moi, je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que ça va être comme le naming? Et là, il y a un petit blanc. Est-ce que c'est ça que vous pensez, François Alain? Je ne pense pas. Ce sont les nouveaux conglomérats de l'entertainment, comme on dit. Tiens, en parlant de Canal et des Guignols, dont vous avez été l'auteur historique, il va être super bon, leur premier sketch, parce qu'apparemment... Ils n'ont pas de pression. Non, et puis là, l'échéance recule. Là, c'est en janvier, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais lu quelque part que... Janvier, qui feront l'annonce que c'est finalement en mars. Voilà. Ouais. Et j'avais lu quelque part que Vincent Bolloré, ça se voit être un racontard, c'est pas vrai, mais avait écrit des sketchs. Vous avez lu ça? Oui, on l'a lu. J'ai participé à l'écriture. Voilà, je dis très franchement que je suis prêt à donner beaucoup pour les lire. Vraiment. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour donner un petit peu avec moi? J'adorerais lire ça. Vraiment, ça se trouve, Vincent Bolloré, c'est Coluche. On va avoir bien l'air con. Il y a le débit, mais il n'y a pas encore les vannes dans ce qu'il dit. Ouais. Et alors, dans Le Figaro, il y a le leader d'un syndicat de producteurs de spectacles qui explique à propos des chanteurs ou des humoristes qui feront partie de ces groupes, ces grands conglomérats. S'ils doivent chanter avec des autocollants sur leur maillot, ils ont intérêt à exiger beaucoup d'argent. Et c'est vrai que finalement, c'est l'argent qui leur rend, ou le pouvoir qui leur rend la liberté aux artistes. Mais c'est comme le naming des stades, on en a parlé hier. Oui, mais ça se trouve, on va être obligé de s'appeler Jean-François Vivendi Alain. Ou pire, tu vas prendre un nom de marque qui a, je sais pas, Florent Pagny, qui a une mauvaise image, un truc comme ça. Non, je sais pas. Je vais chercher. Florent Pagny qui fait de très belles choses. Jean-François Alain. Surtout quand il chante pas. Non, mais on est gentil. Et Vincent Bolloré, qu'on embrasse. Voilà. Bien sûr, ça mange pas de pain, bien sûr, évidemment. On est obligé, ça, ou pas? Non, on n'est pas obligé. C'était très sincère. Alors. Sinon, à cette heure-ci, il y a un sketch. Ah oui. Il y a un sketch. Alors, on vous propose, Jean-François Alain, vous connaissez l'émission, un petit rôle. Vous savez que François Hollande reçoit le président iranien la semaine prochaine. Ça pose un petit problème de protocole à cause de l'alcool, l'heure de la prière, tout, etc. Eh bien, voilà une réunion de la cellule protocolaire à l'Élysée. Alors, moi, je suis chef du protocole. Vous êtes stagiaire. Le stagiaire troisième. Stagiaire troisième. Il y aura aussi Juliette Arnault et Guillaume Meurice dans cette cellule du protocole de l'Élysée. C'est parti. Bon, là, on est mal. Le dîner avec les Iraniens est annulé parce qu'on peut pas servir de vin. Le petit-déj est annulé parce qu'il semblerait qu'il y ait une légère concomitance avec l'heure de la prière. Par ailleurs, je signale que j'ai mal à la tête, là. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, mais ça va, pas tous en même temps, surtout. Moi, là, je continue à pas comprendre pourquoi on me refuse systématiquement ma salade de roquettes et ma bombe glacée. Oui, alors nous, on continue à pas comprendre pourquoi tu bosses pas au flunch. Je vous ai dit que j'avais mal à la tête, non? Et si on les sortait en boîte? Régalade de Red Bull pour toute la chmala et on invite Zaya et ses copines. Oui, alors ne vous forcez pas à être drôle, ça m'arrange, c'est par rapport à ma migraine, moi. Ouais, je pense que j'ai une idée. Ah. Ouais, bah pense pas trop, t'es pas équipé pour. Oui, alors laissez parler l'enfant, hein. Peut-être qu'il a autre chose que des idées de proxénète, lui. Hein. Voilà. Oui, alors je me disais, on fait un goûter et ça s'appellerait goûter à l'Élysée. Et en plus, ça rime, c'est bien. Oui, c'est ça. Et moi, je leur sers quoi? Un verre de lait et des BN? Non, mais le lait, c'est impossible. Rohani va forcément s'en foutre plein la barbe et la moustache. À l'image, vraiment, c'est ravageur. Ah, voilà. Bon, bah alors, on peut faire grenadine et prince de lu. Oh, bah non, les gâteaux, ça fait des miettes partout, là. Aïe, yeah, c'est bon, ne dites rien, j'ai. Ouais. On fait Mentalo et Bombay. Ah, ça, c'est bien. Moi, je peux faire des têtes de nègre en dessert. Oui, alors, si c'est pour dire une connerie, surtout, n'hésitez pas à intérioriser. Hein, c'est, voilà. Sinon, moi, j'ai vu dans OSS 117 que la blanquette, c'était un must. Oui, alors, mollo sur les références en carton. Hein. Non, mais tout n'est pas acheté, quand même, dans OSS 117. Mais attendez, de la blanquette au goûter. Attends, je rends le tablier, moi, je me barre. Oh là là, moi, j'ai la tête qui éclate, là. Oui, alors, le premier qui dit je voulais seulement dormir, il prend mon pied dans son cul. Voilà. Bon. Et feralgan, chef. Voilà, voilà, tournez des feralgans et puis allons-y, casquette. Allez, hop. Le fameux allons-y casquette. Oui, c'est une expression un petit peu belge, apparemment. Ça veut dire quoi? Bah, allons-y, quoi, allons-y, allons-y, allons-y. C'est comme en avant Guingamp. Oui, voilà, en avant Guingamp et moi, c'est allons-y casquette. C'est comme tout ça ne nous rendra pas le Congo. Ou tout ça ne nous rendra pas l'Algérie, que pourrait dire. Comme Anna Diplose. Les héros de... Vous disiez Anna Diplose tout à l'heure. Voilà. Comme Anna Diplose. C'est quoi? Cet homme reviendra. Il vient de citer Anna Diplose. Ah, et c'est? C'est une auteure. Un auteur tchèque. Anna Diplose. C'est quand vous prenez la fin d'une phrase qui fait la seconde. Exemple, il est stupide, stupide, il restera, je pense, à Guillaume Meurice qui vient de m'inspirer cette phrase. Et en effet, nous avions un co-scénariste et créateur de série avec nous au service de la France. Je vous rappelle que les quatre derniers épisodes, c'est ce soir sur Arte à 20h50. J'ai le temps de citer très rapidement les deux auteurs. Allez-y, aussi. Allez-y, évidemment. Claire Le Maréchal, Jean-André Hierles. Nous sommes trois auteurs. Effectivement, Claire Le Maréchal et Jean-André Hierles. Merci. Voilà. Et puis, rattrapez les autres épisodes, tiens, sur Arte TV, Arte Plus 7, Arte on plus vous 7. Le conseille. Le mot de la fin au service du protocole qui prépare la venue du président iranien à Paris la semaine prochaine. On ne m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.